8h14, on change de sujet avec... Honnêtement, je sais pas si c'est moi ça qui a un problème juste avec ça. Je suis peut-être le seul, on va voir. Non, OK. Moi, je trouve que c'est une des plus grandes injustices, ce dont on va parler là. Alors, je serai pas tout seul, mais je sais qu'il y en a d'autres qui trouvent ça tout à fait normal. Avec, on va avoir un bon débat, parce que pour certains, c'est bon, pis c'est correct. Même si à la station, on a jasé un peu, pis j'ai des collègues qui... Non, c'est normal. Moi, je... Totale injustice. Jeff Gilbert va vous raconter ça. Il va être question des logements sociaux. D'abord, le nom appartient à Ménave. C'est pas logements sociaux, ça devrait s'appeler logements subventionnés. Le social là-dedans, là, c'est comme si... moi, je suis social, je fais-tu partie de la société? Mon condo, il est-tu social, moi, ou il est animal? Mais les problèmes sociaux, c'est très large. Ben oui, mais moi, ça représente quel type de... Moi, j'ai un condo social, je fais partie de la société, mais quand on dit logements sociaux, c'est le beau nom pour dire certains seront subventionnés et pas d'autres. Ça, c'est les politiciens qui utilisent cette expression-là, parce que dans les programmes normés du gouvernement, on parle de subvention au logement. Mais il faut aller lire les petits caractères. C'est comme une police de tueur. Mais quand ils font le pitch, c'est un logement social. Le pitch de vente, c'est... Toi, le tien, il n'est pas social, toi. Ouais, non, tu fais pas partie de la société, toi. C'est une cage, je sais pas c'est quoi chez vous, moi aussi, on est pas là-dedans. On est juste deux qui payent pour. Alors, écoutez bien, l'injustice des logements sociaux, il y a un projet majeur à Québec, de toute beauté, d'un endroit que j'aimerais bien aller là, et vous allez voir le deux poids, deux mesures, où certains seront VIP, vont gagner à l'auto, ils vont se faire payer leur... en partie leur loyer, et d'autres vont payer à 100%. Ça se passe dans quel coin, Jeff? Secteur Les Méandres, le Bourgneuf, dans le secteur. C'est dur de vous donner l'adresse exacte parce que c'est aux confins d'un rond-point qui a été construit là il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un gros développement domiciliaire. Robert Bourassa vers le nord. Quand vous regardez à votre gauche, vous avez le développement des Jardins de Vérone. Ça vous dit quelque chose? Oui, vers la gauche, il y a eu tout un développement domiciliaire dans les champs qu'il y avait là. Faubourg Les Méandres, Domaine Les Méandres, Projet Les Méandres. D'ailleurs, le projet dont je vais vous parler, il n'y a pas de nom exact encore. Il n'est pas fini. Il est en cours de construction. On va y en trouver un. C'est ça. Mais dans ce secteur-là, c'est, vous savez, en immobilier, il y a trois mots qui sont importants, là. Le spot. Location. C'est ça, exactement. Alors, voilà. Alors, c'est un beau spot. L'idée de faire un reportage là-dessus nous vient du fait qu'il y a des gens qui ont téléphoné à l'agence de location qui est chargée de louer les espaces, en fait, éventuellement, quand le projet sera terminé. C'est combien d'unités, Jeff? 250 logements. OK, donc c'est gros. Ouais. C'est un 250 logements. Ouais, c'est un des plus gros projets de développement de logement social à Québec depuis les dernières années. Bon, alors, il y a un gars qui voulait aller rester là. Ouais. Il a appelé. Il dit, ben, moi, j'aimerais ça savoir quand est-ce que ça va être prêt, puis je voudrais louer un logement, puis tout le kit. Et il s'est fait répondre, ben, c'est parce qu'il faut vous qualifier. Qualifier, que vous voulez dire quoi? Qualifier. Parce que c'est pas écrit, ça, à pancarte, bienvenue aux logements sociaux, là. Ouais. Tu sais pas, là. OK? Puis tu veux rester dans ce coin-là. Alors, la dame lui a dit que c'était un regroupement de logements sociaux, effectivement, et qu'il fallait pour ça avoir un maximum de revenus admissibles pour bénéficier d'une subvention pour pouvoir accéder à un logement qu'il y avait dans ce bloc-là. Bon, elle a été un peu fâchée. En passant, c'est des subventions qu'on appelle accès logis, là, qui sont admissibles à tous les gens qui ont soit de l'assistance sociale ou des faibles revenus, des familles à faibles revenus. Mais en passant, il n'y a pas de peuple pour annoncer ça. Tu fais comment pour savoir ça? Non, il n'en parle pas. Non, il parle pas trop de ça. Tu fais comment pour profiter de ça? C'est des réseaux, José. C'est comme les coopératives d'habitation. Dans certains réseaux, l'info circule que là, il y a une loterie, j'appelle ça de même. Attention, il y en a qui vont gagner, là. Continue, Jeff. Le projet est parrainé par l'organisme Un Toit en Réserve. C'est un organisme communautaire de la région de Québec qui en parraine plusieurs. C'est pas leur premier, OK? Il y a plusieurs organismes communautaires comme ça qui vont soumettre l'idée à la Ville de Québec de construire des logements sociaux. On va faire un petit rewind dans le temps. Tu sais que l'administration municipale actuelle est très favorable à ce qu'on appelle la mixité sociale. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de créer ce qu'ils appelaient à l'époque des ghettos dans les HLM qu'on ne construit plus depuis le milieu des années 90, ben là, depuis le milieu des années... Le milieu des années 2000, mais depuis 2004-2005, on va plutôt opter pour la mixité sociale, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un groupe de bâtiments qui ne sont pas considérés comme étant sociaux, OK, on va construire des logements dits sociaux pour éviter de créer des ghettos comme il y en a trop eu dans certaines villes, dont la ville de Québec. Alors, c'est ça le principe. On va même jusqu'à vouloir demander aux promoteurs de créer à l'intérieur même d'un bâtiment une partie des unités de logement qui seront à caractère social, et l'autre partie qui sera à caractère du marché, appelons ça à la régulière. Il y a du monde qui vont payer un prix X, et juste à côté, ils vont avoir comme voisins, dans la même bâtisse, le même immeuble, la même qualité, des gens qui vont, eux autres, seront subventionnés par l'État. Ça peut arriver. Au nom de la mixité sociale. Et il y en a plein qui le seront pas, arriver. D'autres qui vont l'être, c'est comme ça, ils vont piger des noms. Le projet dont je vous parle est un projet de trois bâtiments. Il y en a un qui sera réservé, en tout cas, presque exclusivement aux personnes âgées, l'autre aux familles et l'autre aux personnes seules. Okay? Ouais. Et la majorité des logements, une proportion entre 20 et 50%, me dit-on, chez l'organisme qui s'occupe de ça, sera réservé à du logement social. Donc, Un Toit en Réserve est l'organisme acheteur. Ils ont acheté un terrain. ils ont soumis à une autre, un autre organisme communautaire, Action Habitation, le projet de réaliser la patente. Ouais, ça, c'est okay. compliqué un peu. Ouais, ouais, mais non, mais c'est important mais... parce que tu vois que c'est ça. Et à la fin, le constructeur, Marc Drolet Construction, va remettre un projet clé en main à l'organisme Un Toit en Réserve, qui va donc faire l'accréditation des gens pour pouvoir y rester. OK? Et ça va donner les différences de prix pour que les gens comprennent c'est bien. Ça, là. Admettons que moi, je travaille. OK? Puis, dans les dernières années, j'ai retourné aux études pour avoir un plus gros salaire, puis je fais du temps supplémentaire, puis bref, j'ai fait des efforts de col rouge pour en avoir plus. Ça veut dire que je vais payer quoi, 1000, 1200? Bon, il y a du 1,5, il y a du 5,5. D'ailleurs, okay, c'est, ça varie beaucoup. C'est, ça varie énormément, mais à 4,5 égal. Ouais. OK, à 4,5 égal, les jardins de Vérone juste en face vont vous facturer entre 1200 et 1700 $ par mois. Pour habiter un de leur, une de leurs résidences. C'est des tarifs qui sont disponibles sur le site internet de Baudet Associés qui a construit la patente et, en question. Et si je suis un béni et que j'ai gagné à la loterie ou parce que je connais quelqu'un ou je sais pas comment ça va marcher, je gagne un logement subventionné, Vous pourriez ne payer que 25% de votre revenu à condition de gagner moins de 25 000 $ par année si vous êtes une personne seule et moins de 31 000 $ par année si vous avez au moins un enfant. Ça veut dire 300-400 par mois? Ouais, 250 à 400 à peu près. Ça veut dire que le matin, si je m'en vais rester là, ça n'a pas de nom, moi je peux en suggérer un concours. En passant, je suggère les Jardins de Moscou. S'il y en a qui ont d'autres idées, 670-9330, 670-9330, parce que je vais vous dire tantôt, je trouve que c'est du communisme. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Quand tu fais en sorte, en tout cas, d'égaliser tout le monde, là, c'est du communisme. Alors, mettons que j'habite les Jardins de Moscou, parce que j'ai fait du temps supplémentaire, puis je suis retourné aux études, puis bon, je sors de mon appart, puis je rencontre mon voisin, je dis « Salut, comment ça va bien? » On fait comme des fois dans l'avion, là, quand on se dit combien on a payé, là, puis personne ne paye jamais pareil. Là, tu dis « Ouais, moi, je paye 1200 par mois, mais je suis assez content, ça fait des années que je rêve de me payer un bel appart dans ce coin-là, puis je travaille fort, puis etc., je paye 1200. Toi, comment tu payes? » L'autre dit « Je paye 250. » Pourquoi? Logement social. Cette personne-là, qui paye 250 ou 300, pensez-vous qu'elle va retourner aux études, faire du temps supplémentaire, essayer d'améliorer son sort et devenir plus prospère? Ça, c'est le premier point, là. À la sueur de son front? Ben non! Il va rester, ce qu'il fait, c'est correct. C'est pas un BS, mais il va rester comme ça. Parce que plus il y a une injustice totale! Mais totale! Parce que, sérieusement, parce que si elle fait ce que tu dis, il va falloir qu'elle sorte de là, puis ça va, elle va être dans moins beau que ce qu'elle est là, à ce salaire-là. Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis, t'as pas un butch! T'aimes pas les pauvres? Faut toujours bien des pauvres! On va en parler des pauvres. Le gars qui rentre au Jardin de Moscou, là, ou à Place Rouge, Place Rouge serait bon signe. Maintenant que j'habite Place Rouge, OK? Il habite là. Lui, il se fait subventionner pour habiter là. Ah, oui, parce que la ville dit, gars, il y a un bel appart, mixité sociale, gars, c'est beau. Mais dans les subventions qu'il reçoit, il y a une partie qui vient de ceux qui restent dans un petit 1,5 sous-sol dans Limoilou, qui payent des taxes. Oui, oui, absolument. Parce que, alors, c'est ça, je vous dis que c'est injuste. Oui, là. Parce que la Ville de Québec contribue à ce projet-là à hauteur de 3,5 millions $. Ah oui. Sur un projet de 47 millions $. Alors, pourquoi, lui qui habite un quartier, je dis Limoilou, il y a des super beaux endroits à Limoilou en passant, gardien de vanille, mais on s'entend que je prends des quartiers, en général, plus défavorisés. Ces gens-là, ils restent là. Tu sais, quand le maire Labeaume dit, faut absolument créer la mixité sociale, faut qu'il y ait des pauvres dans les beaux quartiers. Ouais. Mais tu prends l'argent de ceux qui habitent les quartiers que tu trouves moins beaux, pour le donner à lui. Je sais pas comment ça marche, mais lui va avoir un logement subventionné. Ça veut dire que tu rends, qu'importe la job que tu fais, qu'importe l'effort que tu y mets, tu vas te retrouver dans le même édifice. C'est pour ça que j'appelle ça les jardins de Moscou. Ça a déjà existé, cette formule-là. À Moscou, en Union soviétique dans le temps, que tu sois médecin ou que tu sois un petit travailleur ordinaire, tu vivais dans la même bâtisse. À Moscou, du temps de l'URSS, c'était ça. Mais là, on est à Québec. Je trouve ça plate, mon gars. Moi, j'habite pas de maison d'un million. Je suis pas à Cap-Rouge. Je suis pas à Sillery. Je suis pas là. Je suis dans mon quartier. Je suis bien. Si je veux changer de place, je dois améliorer mon sort. L'injustice qui est dénoncée par certaines personnes, c'est que d'abord, il y a une injustice quant au mérite. C'est-à-dire que c'est pas attribué au mérite, ça. Pas parce que tu travailles fort dans la journée que tu vas payer moins cher, tu comprends? Puis, alors, à l'intérieur même du même bâtiment, il peut y avoir des gens qui vivent d'assistance sociale, qui travailleront jamais de leur vie, c'est une réalité, OK? Qui vont payer 250 ou 300 $ par mois pour un loyer qui en vaut 1000 ou 1200. Et en face, t'as un couple de travailleurs avec un ou deux enfants qui, à 12 piastres de l'heure à deux, s'arrachent à la vie et eux vont payer 850. Pour la même affaire. Donc, c'est pas juste une inégalité entre la classe moyenne et, tu comprends, c'est même à l'intérieur même du même bâtiment où ça crée, effectivement, une certaine. Moi, je suis pas contre les HLM, là. En passant, on est pas en train de parler des HLM. Ben, il y en a plus d'HLM, de toute façon. Pour les plus pauvres, etc., je comprends, les gens plus démunis, il faut qu'il y ait des HLM. Mais là, on parle pas de ça. Là, on parle d'un un des quartiers qui est les plus en demande actuellement. Ah oui, un projet avec des... On a su que les apparts vont être bâtis avec une qualité incroyable, comparable à certains haut de gamme. Ben. Là, ils vont mettre du monde là-dedans, puis ils vont être subventionnés pour rester là. Mais moi, mais tous ceux qui gagnent de petits salaires, là, 99% sont pas subventionnés. Mais au contraire, on va prendre leurs taxes et leurs impôts pour en prendre, je sais pas, peut-être 100, 150, ouais. Bénis des dieux qui vont se ramasser là-bas. Je sais pas si c'est par réseau de contact. Je sais pas si c'est une loterie. Comment ils vont faire pour rentrer là? J'aimerais ça le savoir en maudit. Mais eux autres, ils vont être subventionnés. Ce qui a aussi fâché certains de nos auditeurs qui nous ont communiqué la chose, qui ont essayé d'être qualifiés pour ce projet d'habitation sociale-là, c'est que ce sont des gens qui auraient résolument besoin d'un stationnement intérieur. Et qui n'en ont pas là où ils habitent présentement, où ils payent le plein prix d'un marché locatif compétition. Non, il n'y aura pas de stationnement intérieur. Il y en a quelques-uns, effectivement. Il y a quelques cases. J'ai pas le nombre exact, mais il y a quelques cases de stationnement intérieur qui ont été prévues dans ces unités de logement. Je vais penser à eux autres à chaque fois que je vais déneiger mon auto à 4h15 du matin en me levant, parce que moi, je veux rien de tout ça. À chaque fois, je vais penser à eux autres. Bon, ben là, ce qu'on me dit là-dessus, Sylvain, c'est qu'on ose croire que les gens qui ont une subvention au logement, qui n'ont pas les moyens de se payer un logement au prix du marché, ont nécessairement pas, probablement pas les moyens de payer la plus-value pour le stationnement souterrain et encore moins pour le char qui va dedans. Mais ça, ça restera à voir. Mais ce qui fâche les gens, c'est que moi, je connais des gens qui m'ont téléphoné en disant que je me cherche une place avec un parking en dedans. Tu sais? Puis ils en trouvent pas ou c'est difficile à trouver. Puis là, il y en a comme pas loin de chez eux. Puis ils ont essayé d'être qualifiés puis ils se sont fait dire qu'ils gagnaient trop cher, mais juste un petit peu trop cher pour avoir le droit d'entrer là. Et là, la question, c'est où la loterie? Comment ça marche? Je pogne le téléphone un matin. Écoutez-moi bien. Si vous êtes pas d'accord avec ça, en tout cas, 670-9330, s'il y en a qui veulent ajouter de quoi ou suggérer des noms également, 670-9330. Je pogne le téléphone, moi, OK? Je travaille, mais j'ai pas un gros salaire, 25-30 000 par année. J'appelle là, donc je paye pour mes enfants, les lunettes, pour les dents, je paye à la garderie, j'ai pas d'accès VIP, les médicaments, tu sais, j'ai un petit travailleur ordinaire, je paye partout. Puis là, j'appelle là, puis on me dit, tu gagnes trop cher. Tu peux pas rentrer, il faudrait que tu gagnes un petit peu moins cher pour avoir droit à un bonus, à une subvention. À un moment donné, je m'assieds avec ma femme, on regarde ça un peu, puis on fait le budget. Sincèrement, le moindrement que j'ai, juste de façon comptable, là, je sais bien qu'il y a de la morale là-dedans, puis il y a des valeurs, mais moi, je dirais à ma femme, on se crisse sur le BS. Automatiquement, je rentre dans un jardin de Moscou, moi, au petit bel appart, et je vais me qualifier. Les enfants vont avoir accès VIP à la garderie, parce que les enfants des BS passent avant tout le monde à la garderie. Au cas où vous le saviez pas, on en discute pas souvent, mais même s'ils travaillent pas, ils ont, au nom de la mixité sociale, c'est un même maudit argument, là. Faut y mixer, puis bon, ils passent en avant. Fait que, moi, garde, la gardienne, parce que, mettons que j'avais pas de place en CPA, puis je payais un peu plus cher. Accès au CPA. On paye plus les dents, on paye plus les lunettes. Je vais avoir mon appart subventionné. Puis en plus, mon travail au noir. Tu sais, le gouvernement qui fait des annonces, là. Hey, encouragez pas le travail au noir. Ça s'en est pas, ça, une façon d'encourager le travail au noir. En donnant des subventions, puis l'accès à des beaux appartements, avec certaines choses haut de gamme. Si tu veux te payer, là, haut de gamme. Mais oui, mais c'est plate, moi, je suis pas dans du haut de gamme. Si tu veux te le payer, il me semble que faut que le message que t'envoies à ta société, c'est, il faut que tu travailles plus. Là, il y a des gens qui vont travailler moins et qui vont en avoir plus. Ah non, c'est très fâchant. Hein? Justement, c'est... Je la comprends pas, celle-là. Expliquez-moi ça. C'est une division, puis j'ai l'impression, moi, que justement, c'est on encourage... Ça revient toujours au même. On n'encourage pas la performance, on n'encourage pas ceux qui travaillent le plus fort. Tu sais, c'est... On n'encourage pas l'enrichissement, on encourage l'appauvrissement. Puis encore là, je me sens encore dans l'obligation de le dire, les HLM, je suis pour ça, là. Non, je suis d'accord à ce qu'on aide les démunis. Il y a du monde qui ont besoin d'un toit. Faire attention, c'est ça. Je suis d'accord à ce qu'on aide les démunis. Mais il faut que ça soit des bâtiments modestes. Tu mets pas ça là où les terrains vaut le plus cher. Le dernier HLM qui ont bâti à Québec, ils l'ont mis dans la sellerie. On avait sorti ça temps. C'est que ça fait là. Le terrain valait des millions. Mais c'est la même maudite logique. La mixité sociale. Mais venant parler de la mixité sociale à tous ceux qui payent leurs taxes, leurs impôts, qui gagnent des petits salaires, puis qui restent dans des quartiers moins le fun, moins in que Saint-Roch, Cap-Rouge ou Sillery. Il y a du monde qui sont là, puis qui payent des taxes et des impôts. Alors, surveillez donc la construction des jardins de Moscou. Moi, personnellement, en passant, ceux qui veulent aller rester là, puis payer, puis allez-y, là. Moi, personnellement, je serais pas capable d'aller rester là, parce que je viendrais méchant. Puis je veux pas l'être. Tu sais, je veux respecter les gens qui sont là-dedans. C'est pas de leur faute, c'est les gouvernements qui font en vouloir et non pas aux individus. Mais j'aurais de la misère dans l'ascenseur le matin, je l'ai déjà dit, en allant travailler, avoir l'autre qui a le même appart que moi, il vit dans les mêmes conditions, mais lui, c'est moi qui paye son logement. Donc, parce que j'ai des taxes élevées, des impôts élevés pour payer son logement à lui. Puis il travaille pas ou il travaille moins, que c'est ça. Mais c'est Moscou. Là, si vous voulez Moscou, allez-y, là. Là, ça va être rendu que la taxe santé, dépendamment comment tu gagnes, ils vont te faire payer plus cher. Quand tu vas être un petit vieux d'un CHSLD, ça a été annoncé, dépendamment comment tu gagnes, ça va être plus cher. Mais en bout de ligne, ça va donner quoi d'avoir des gros revenus? Si à chaque fois que j'arrive pour payer de quoi, ça me coûte plus cher. Moi, le but, là, que j'essaie de travailler plus fort, d'améliorer mon sort, c'est en avoir un petit peu plus. Mais là, j'ai des revenus plus élevés, mais mon logement me coûte plus cher, ma place en CHSLD, ma taxe santé, déjà que mes impôts sont plus chers, si chaque bien de consommation que j'achète, je suis pénalisé, tant qu'à ça, on va donner à tout le monde le même salaire. Laissez les prix pareils, puis faites comme à Moscou. Régulez les salaires. Parce que là, vous êtes en train de faire le communisme d'une façon détournée, en ajustant le prix de chaque chose selon les, que ce soit les loyers ou autres. Là, ça revient à ça, là. Tu gagnes peu, ton loyer va te coûter 4-5 ans. Ah, tu gagnes trop cher, ton loyer va te coûter 1200. Ça donne quoi de travailler? Non, puis d'autant plus que quand tu travailles, tu payes pour le service de santé de ces personnes-là, tu payes pour l'éducation de ces services-là, tu payes pour les médicaments de ces personnes-là. C'est que tu payes tout le temps. Puis toi, t'as pas de bénéfices, là. Déjà, c'est au noir. La solution, le gouvernement, là, c'est ça. Mets-toi sur le BS, travailler. Pour une catégorie de familles de travailleurs qui ont un salaire pas très élevé, il est effectivement préférable pour obtenir un bon logement, peut-être, en tout cas, très certainement de travailler moins et de présenter un rapport d'impôt avec un T4 qui est plus faible l'année d'après pour dire, au moins, là, je peux me qualifier pour avoir un logement neuf. Mettons que ça prend 25 000. Plutôt que de rester sur le tapis gris dans un demi-sous-sol à Limoilou avec tes deux kids. Ça, c'est clair que ça peut arriver. Je gagne 30 000 avec mes deux kids, je suis dans Limoilou d'un sol, OK? Je vais aller voir mon boss, là, j'appelle au Jardin de Moscou, il dit, faut que tu gagnes 25 000, bon, on va te subventionner ton logement. Je vais aller voir mon boss, on va dire, coupe-moi 5 000, est-ce-t-il? Coupe-moi 5 000 ou paye-moi noir. Paye-moi, c'est ça que je vais faire, je suis pas fou. Vous allez paye-moi noir. Parce que moi, il faut que je rentre au Jardin de Moscou, le mec, ça marche. Les autres, c'est telle affaire, puis je suis subventionné. Ils vont me payer mon logement. Ou j'arrête de travailler, je me mets sur le BS. Puis la faute est pas à ceux qui en profitent. Non, on appelle ça des opportunistes. Ben non, c'est les gouvernements. Joe veut nous parler, Julie, les lignes se sont remplies. On fait une petite tournée au téléphone. Joe, bon matin. Salut. Faut pas appeler ça la place rouge, hein, parce que ça va se remplir de carrés rouges. Faudrait appeler ça, la place Gabriel Nadeau-Dubois. Faudrait l'honorer un peu. Je trouve que c'est ainsi de ne pas assez, lui. On pourrait appeler ça la place Nadeau-Dubois. Ben non, ils vont servir de son argent, de cet argent-là pour l'aider. Salut, Joe. Salut. Vous avez d'autres noms? Julie, bon matin, qui veut nous parler. Salut. Bonjour, Julie. Bonjour. Merci. Bonne journée. Moi, j'appelle parce que je trouve ça déplorable parce qu'on parle tout le temps des gens qui ont des revenus plus restreints, là. Sauf que moi, quand j'étais au secondaire, j'ai travaillé fort pour avoir des bonnes notes, puis pour avoir une job, puis pour me ramasser un salaire qui soit décent. Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Donc, j'avais fait des efforts. Et un salaire qui soit décent. Et là, aujourd'hui, on me dit, ben parce que tu as travaillé fort au secondaire, puis tu gagnes un petit peu plus que le salaire de base, puis tu arrives bien, finalement, ben là, il faut que tu sois encore plus généreux. Moi, au secondaire, j'ai travaillé pour avoir ce que je voulais. Je suis rentrée au cégep, j'ai travaillé encore plus fort. Puis là, si je fais du surtemps, ben je change de braquette d'impôt, puis je vais payer encore plus. Fait que moi, ça me pue au nez, cette histoire-là. Je trouve ça vraiment déplorable. Je pense qu'on devrait encourager justement ceux qui veulent se sortir de la merde plutôt que les encourager à rester dedans. Merci, merci. Puis quand je vous dis que c'est haut de gamme, je répète, je suis pas contre les HLM, c'est bâti de façon modeste dans des quartiers où les terrains valent pas trop cher. Puis là, tu mets vraiment ceux qui sont vraiment dans la merde là-dedans un bout de temps. Faudrait pas que ça soit à long terme. Mais là, leur principe de mixité sociale, c'est de donner ce qu'il y a de mieux. Que les gens travaillent, font des sacrifices, la même affaire aux pauvres. C'est ça qui marche pas. Hey, l'isolation, Jeff me contait ça. Ils vont être isolés, là, dans cet appart-là. Mais c'est béton. On appelle ça béton sur béton, en fait. Un peu c'est un truc haut de gamme, là. Ben, la réponse qu'on me donne à ça, c'est plus durable. Ça nécessite moins de rénovation, moins de réparation sur une période de 20, 25, 30, 35 ans de la vie correcte et utile du bâtiment. Mais c'est mieux isolé. Ben oui, c'est béton sur béton. C'est ça. Et c'est la même chose que dans des, donc c'est du haut de gamme. C'est pas ça chez nous. Mais pourquoi, moi? Ça craque partout dans ma maison. Donc, ça veut dire que pour avoir ça, c'est m'arrêter de travailler, m'enlever à mon boss, puis baisse-moi de salaire. Patricia, bon matin. Hey, salut. Je suis pas sûre que je suis d'accord quand tu dis qu'on arrête de travailler, on se met sur le BS, puis on va pouvoir profiter de tout ça, là. J'habite, moi, un appartement, puis je vis toute seule, fait que je paye tous les comptes toute seule, je paye le loyer tout seul, puis le couple qui reste à côté de chez nous sont sur le BS. Puis ils se vendent à grande voix, qui travaillent au noir les deux. Ben oui. Fait que moi, là, ça me fait chier quand que je pars travailler le matin puis que je sais que lui s'en va travailler puis qu'il fait son tour de la table. Je sais qu'il faut pas faire ça, Julie, mais je disais, ça va, c'est comme si le gouvernement encourageait à faire ça avec, en donnant, quand tu donnes la même affaire à ceux qui travaillent fort puis à ceux qui travaillent moins, ben, t'encourages à travailler moins. Le gars qui a fait des sacrifices pour rentrer au jardin de Moscou parce qu'il veut son parking souterrain puis il veut habiter dans le Bourgneuf, le Ménil, parce que c'est un beau coin, va avoir la même affaire que lui qui travaille moins parce qu'on va en subventionner un. Ça me rentre pas dans la tête. Alors, je sais que je compte ça, mais on va l'encourager un peu. C'est sûr, sauf que j'ai un travail où je pourrais m'en faire du travail au noir, puis j'en fais pas, parce qu'avec le gouvernement, quand on se fait pogner à travailler au noir, ça coûte cher. Ouais, alors que le BS, lui, il n'a aucune pénalité. Mais ça coûte cher si son BS paye. Ben, c'est ça, parce qu'eux autres ne sont pas surveillés. Mais nous autres, travailleurs, payeurs d'impôts, payeurs de taxes, on est checkés. Je pourrais faire la moitié de mon salaire en tour de la table si je pouvais, là. Merci, Patricia. Mais je le fais pas parce que je veux pas me faire pogner. Vous êtes bonne, merci. Merci Salut. Beaucoup. 8h34, on s'en va à la pause. Si vous avez d'autres commentaires, si tu veux pas donner l'impression que je casse sur le dos des pauvres, là. La question est pas là, là. Mais il y a véritablement des gens qui, même à faible revenu, trouvent que c'est inéquitable parce qu'eux travaillent comme des chiens pour s'arracher à la vie avec leur famille et que d'autres ne font rien de leur journée et ne feront jamais rien de leur journée alors qu'ils sont parfaitement aptes à le faire et payent moins cher un loyer qu'eux autres s'arrachent pour. Tu comprends? Ça choque les gens. C'est les deux visions du combat de la pauvreté. Et là, vous êtes dans la gauche-droite, là. T'sais, je veux pas abuser des termes, mais c'est ça. C'est la vision de la droite pour combattre la pauvreté, faut enrichir le monde. Faut créer de la richesse, pis ces gens-là travaillent plus, aillent à l'école, des diplômes, c'est ça que je veux, moi. Et qu'on soit tous plus riches. Alors que la vision de la gauche face à la pauvreté, c'est faut enrichir les pauvres en prenant l'argent dans la poche des riches. Puis on va leur subventionner des beaux loyers, pas en les faisant travailler plus, juste en volant les riches un petit peu plus, puis en le donnant, puis quand je dis riche, c'est tout le monde, là. Même ceux qui gagnent 20-25 000, vous en payez des taxes. Ben, vous allez payer des logements haut de gamme à ces gens-là. Fait que c'est tout le monde qui est pénalisé pour une petite minorité bien branchée, souvent. Souvent, il faut que tu saches comment ça marche, ils annoncent pas trop. Et compte tenu qu'on habite dans une région où le taux d'inoccupation des logements est excessivement bas, le coût des loyers est haut, donc la subvention suit, donc est plus élevée dans la région de la capitale nationale, par exemple, que dans n'importe quelle autre région ailleurs au Québec. 8h35, pause.